Les modèles de projection climatique du GIEC prévoient d'ores et déjà une augmentation moyenne de la température du globe supérieure à 1,5 degré à la fin du siècle. Or, ces modèles laissent de côté un élément important, le pergélisol, permafrost en anglais, cette immense surface d'environ un cinquième des terres émergées qui sont glacées en permanence depuis au moins 2 ans, mais pour la plupart depuis plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années, qui ont d'ores et déjà commencé à dégeler du fait du réchauffement actuel et qui menacent de relâcher dans l'atmosphère des quantités faramineuses de gaz à effet de serre qui risquent d'accélérer encore le réchauffement. Pergélisol, quand la planète dégaze, c'est le problème sur lequel nous allons nous pencher dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous aventurer dans ces terres pour la plupart très septentrionales, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, venu braver le froid extérieur, je le disais cette saison, Antoine Séjourné, bonjour. Bonjour. Vous êtes géomorphologue, maître de conférence au laboratoire géosciences à l'université Paris-Sud. Vous avez travaillé sur le pergélisol de Sibérie orientale, là où notre deuxième invité, qui est avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Isère à Grenoble, a lui plutôt travaillé de l'autre côté sur le pergélisol canadien. Bonjour Florent Dominé. Bonjour. Vous êtes chercheur au laboratoire franco-canadien Takuvik, unité mixte internationale entre l'université Laval à Québec et le CNRS. Vous avez également initié le projet APT pour Acceleration of Permafrost Thaw by Snow Vegetation Interaction, un projet qui réunit 8 laboratoires dont vous nous parlerez tout à l'heure. Et j'ai à mes côtés Denis Sergent, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à La Croix, de qui nous sommes partenaires pour cette émission aujourd'hui, puisque vous consacrez un dossier aujourd'hui dans votre dossier scientifique et éthique au méthane, l'oublié du climat, et du méthane il va en être largement question au cours de cette heure que vous pouvez suivre comme d'habitude en parallèle sur les ondes de France Culture et sur notre fil Twitter @laméthodefc. Pour commencer, mon introduction était à dessein un peu alarmiste, mais comment expliquez-vous les uns les autres que le GIEC, qui a tout de même reçu un prix Nobel pour ses travaux sur le climat, ait laissé de côté le dégel du pergélisol et ses conséquences majeures, comme on va le voir au cours de cette heure, sur le réchauffement climatique? Antoine Séjourné. Alors c'est pas qu'il a forcément laissé de côté, c'est que c'est difficile à comprendre ce dégel et surtout finalement c'est très difficilement accessible et on a du mal à mesurer finalement le pourcentage de carbone dans ce pergélisol. Donc en général ce qu'on parle de niveau climat c'est le contenu en carbone et son devenir et son possible augmentation de l'effet de serre actuel. Florent Dominé, comment est-ce que vous avez une explication, vous, à ce fait? Effectivement, c'est juste lié à la complexité de la mesure et du carbone et des effets du réchauffement sur ce pergélisol? Oui, mais il y a aussi la complexité de la modélisation, c'est-à-dire que le système Terre dans son ensemble est extrêmement complexe. Il y a l'atmosphère, il y a l'océan, il y a toute la biosphère, il y a toutes les interactions qu'on doit modéliser. Et en fait, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on est obligé de faire des simplifications, des choix et d'omettre certains processus. Donc, à la date du dernier rapport du GIEC, il y avait bien sûr des modèles existants sur le devenir du carbone du pergélisol, mais ces modèles n'étaient pas couplés aux modèles climatiques globaux. Et ça, c'est un travail qui est en train de se réaliser actuellement. On lit, quand on s'intéresse à cette question, que la quantité de carbone prisonnière dans le pergélisol est au moins égale, si ce n'est supérieure, à la totalité des réserves de carbone fossile sur Terre. On est sûr de cette mesure-là, Antoine Séjourné? Alors, il faut savoir que, comme je disais au début, c'est que c'est difficile de mesurer le contenu en carbone parce qu'il faut forer. Donc, finalement, nous, on a accès qu'à la surface. C'est très difficile de forer dans le pergélisol, c'est très très dur. Et donc, les stocks sont difficiles à estimer. Mais ce qui est important, c'est que le contenu en carbone dans le pergélisol est environ 2 fois plus important que le contenu en carbone dans l'atmosphère. Florent Dominé, sur cette question. Ouais. Oui, pour bien relativiser les choses, faut voir et pour bien expliquer la difficulté des mesures, on remarque que pour l'est de l'Arctique canadien, qui a une surface d'environ 2 millions de kilomètres carrés, l'évaluation des stocks sont basées sur 4 carottes. Donc ça fait une carotte pour 500 000 km pour la surface de la France. Donc c'est dire un peu les incertitudes aussi qui pèsent sur l'estimation de ces stocks de carbone. De quoi parle-t-on quand on parle de carbone prisonnier? De quel type de carbone? Ce n'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le carbone fossile dont on parle traditionnellement, à savoir le pétrole, les gaz naturels, les gaz et les huiles de schiste. C'est un autre type de carbone, Antoine Séjourné. Oui, alors le carbone, il est sous différentes formes. On peut avoir donc sous forme de sol, donc les débris végétaux. On a donc ça, c'est quelques premiers mètres. On a aussi dans le pergis sol profond, on a des réserves de carbone fossile, organique et inorganique, donc des débris végétaux qui sont déposés lors de la dernière période glaciaire. On peut avoir aussi également des tourbières gelées qui sont des anciens marais qui sont en train de dégeler d'ailleurs. Et donc qui sont toujours un lieu de stockage. Et on a aussi les clatrates de méthane qui sont une forme particulière de carbone qui est surtout en très grande profondeur sous l'océan. Florent Dominé, la liste est complète. Ce sont effectivement, il faut bien penser ça différemment. Hein. Ça n'est pas juste que d'un seul coup, en fondant, il va y avoir plein de gaz qui sort. C'est que c'est tout un écosystème de carbone extrêmement complexe, extrêmement ancien. Et c'est certainement aussi l'une des raisons pour lesquelles on a du mal à le quantifier précisément. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du carbone du pergélisol qui va nous concerner, c'est d'une manière ou d'une autre des débris de végétaux qui sont accumulés dans le sol et qui n'ont pas pu être dégradés comme ça se dégrade rapidement sous nos climats plus chauds parce que l'activité bactérienne, il fait trop froid pour qu'elle se mette en place. Donc en fait, ces débris végétaux s'accumulent au fil des millénaires pour former de grandes réserves. Et puis comme le disait Antoine Séjourné, il y a aussi les clatrates de méthane qu'on trouve beaucoup au fond de l'océan, quoi, et d'ailleurs qui remontent à la surface par endroits en ce moment. Denis Sergent. J'avais justement réagi, je voulais réagir sur les clatrates. Je pensais qu'il y en avait très très peu qui remontaient à la surface de l'eau et qu'on les considérait quasiment comme nuls pour l'instant, globalement. Florent Dominé. Par endroit, il y a quand même des campagnes océographiques qui voyaient beaucoup de clatrates qui remontent à la surface. Mais c'est sûr que on arrive à en voir beaucoup, mais par rapport aux énormes réserves qui sont piégées au fond de l'océan, la quantité qui remonte actuellement est effectivement très faible, voire négligeable. Maintenant, on n'est pas sûr qu'ils ne vont pas être déstabilisés d'ici quelques dizaines d'années. Alors on va repréciser tout de même, parce que ça l'est peut-être évident pour vous, mais ça l'est peut-être moins pour nous dire. Qu'est-ce que c'est précisément, Antoine Séjourné, que ces clatrates de méthane? Les clatrates, imaginez une cage de glace de CO2, donc de molécules d'eau, qui vont emprisonner une molécule de méthane. Et donc ça, une cage de glace d'H2O. Exactement. Pas de CO2. Ah pardon, donc, exactement, tout à fait. Et donc vous avez différentes formes donc de molécules de carbone, pour avoir de l'éthane, du propane. Et donc ça, c'est hautement instable et c'est stable qu'à très grande pression, donc du coup en profondeur. D'accord, et ces clatrates, il y en a qui sont piégés, pas seulement, parce qu'on en parle effectivement souvent en mer, il y en a qui sont piégés dans le pergélisol. Oui, pour avoir en pergélisol à une profondeur en terre, ou donc sur les continents, ou alors au fond des océans. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h, bientôt 10 minutes après cette introduction, nous allons peut-être relever les manches et revenir au point de départ pour bien comprendre tout ce dont il est question. Qu'est-ce que c'est, comment aujourd'hui on définit le pergélisol, parce qu'on utilise encore une fois un mot, mais pour définir des réalités géologiques qui sont somme toute relativement différentes. Quel est le point commun à ces différents types de sols que l'on appelle pergélisol, Antoine Séjourné? Alors en fait, le pergélisol, c'est une définition qui est simplement thermique. C'est un sol, donc du sable par exemple, où vous avez une roche, un calcaire, qui est inférieur à 0 degré pendant au moins 2 années consécutives. Et ce pergélisol, il n'indique pas, donc cette définition n'indique pas s'il y a de la glace ou non. Donc on peut avoir du pergélisol qui est sec, sans glace. C'est-à-dire que c'est de la roche? C'est de la roche, tout simplement, juste gelé. Ou vous pouvez avoir du pergélisol qui contient de très grandes quantités de glace, qu'on dit à ce moment-là un pergélisol riche en glace. Ça, c'est certaines régions au Canada, en Sibérie, en Alaska, qui ont une très grande quantité de glace et qui sont très sensibles aux variations des climats. Florent Dominé, on parle tout à l'heure de la Sibérie, de l'Alaska. Ça veut dire que le pergélisol, c'est uniquement l'hémisphère nord et le Grand Nord? Ouais, il y a aussi du pergélisol dans les zones de montagne, par exemple sur le plateau tibétain. Il y a aussi du pergélisol de montagne, alpin, sur les zones. Il y en a dans les Alpes, par exemple, hein, dans le massif de Chamonix, etc. Il y a du pergélisol, quand il se déstabilise, ça donne des gros éboulis de montagne. Et puis, il y en a effectivement aussi en Antarctique et puis dans les Andes. Le problème, c'est que le pergélisol en Antarctique ou dans les Andes, il contient très peu ou pas du tout de carbone. Donc, au niveau climatique, il va pas avoir l'impact des réserves de carbone qui sont piégées dans le pergélisol de l'hémisphère nord. Celui qui nous préoccupe aujourd'hui et qui préoccupe les climatologues, c'est donc principalement les immenses surfaces. Et on parle de très très grandes surfaces. Hein. Vous parliez de millions de kilomètres carrés tout à l'heure. Au Canada, au nord du Canada et au nord de l'ex-URSS, de la Russie et de la Sibérie principalement. C'est ça, Antoine Séjourné? Oui, c'est ça. Alors, le pergélisol, il faut savoir qu'il recouvre environ 20 à 25% de la surface de l'hémisphère nord. Ouais. Un quart, un cinquième, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup quand même. Donc vous avez ça dépend principalement de l'altitude, mais également donc de l'altitude, puisque c'est le climat. Vous avez dit glacé depuis au moins 2 ans, c'est évidemment un minima, mais quel est le maxima? Est-ce qu'on sait aujourd'hui quels sont les plus anciens pergélisols qui n'ont pas dégelé du tout depuis leur création, Antoine Séjourné? On retrouve du pergélisol, on arrive à dater grâce à la glace finalement, grâce au rapport isotopique, du pergélisol qui date des dernières périodes glaciaires, voire celles d'avant. Donc vous avez jusqu'à le pergélisol qui peut avoir 100 000 ans, 150 000 ans. Donc évidemment, qui est très, très stable thermiquement et qui résiste. Il y a des différences profondes, j'imagine, Florent Dominé, entre des pergélisols plus récents qui ont donc, on imagine, emprisonné moins de carbone que des pergélisols très anciens. Est-ce qu'on a une carte géologique de ces pergélisols? On sait où se situent les pergélisols les plus anciens? Ouais, il y a des cartes du pergélisol qui ont été établies, oui. Alors nous au Canada, moi je travaille essentiellement sur le pergélisol récent, donc je pourrais pas vous dire exactement où sont les pergélisols les plus anciens, mais en fait au niveau du carbone, ce qui compte c'est pas seulement l'âge, mais c'est le processus de formation du pergélisol et la manière dont il a accumulé le carbone. Il y a des pergélisols qui ont 10 000 ans par exemple où il y a absolument pas de carbone dedans. Je travaille sur un site sur la baie d'Hudson où ce sont des plages émergées par le réajustement isostatique, donc la remontée des continents suite à la fonte des calottes glaciaires, et il n'y a absolument pas de carbone dedans. Il y a des pergélisols beaucoup plus récents, par exemple ailleurs vers l'île Bilot, au nord de l'île de Baffin, qui ont à peu près le même âge et qui sont très très riches en carbone. L'île de Baffin, c'est toujours dans le grand nord canadien, le fameux passage du nord-ouest qui a suscité tant d'histoires, tant de légendes et tant d'explorations menées parfois à la perte de plein d'hommes, mais ça c'est mes tropismes à moi. Bref, parlons plutôt des origines géologiques du pergélisol. Il y a une énorme diversité également dans, comme vient de le signaler Florent Dominé, dans la nature géologique de ce qu'on trouve dans ce pergélisol, Antoine Séjourné. Alors, il dépend vraiment des conditions climatiques. Par exemple, lors de la dernière période glaciaire, il y a 10 000 ans, la France était recouverte d'un pergélisol. On trouve des traces à l'heure actuelle fossiles de polygones, comme on trouve où on avait de la glace, comme on trouve actuellement au nord du Canada, en Sibérie, ce qui montre qu'on avait un pergélisol en France. Où ça, dans quelle région, par exemple? Vous avez toute la région, pratiquement jusqu'à la Méditerranée, vous avez du pergélisol, on voit des traces, des polygones qu'on trouve dans les régions de la Loire, on trouve même en coupe, ça s'appelle des coins de sable, des coins de sol, en fait, dans le jargon. Donc ce qui montre que le pergélisol a varié, on voit actuellement qu'il varie puisqu'il fond. Et alors, principalement, toutes ces régions qui ont beaucoup de carbone et de glace, ce sont des régions qui, lors de la dernière période glaciaire, n'étaient pas recouvertes par les glaciers, donc par ces grandes îles Landsis qui ont recouvert l'Europe du Nord, et où on a eu l'accumulation de sédiments par des fleuves, par le vent, successivement, de couches pendant quelques milliers d'années, et puis après, leur gel in situ, et on fait comme ça des couches, un millefeuille de pergélisol très riche en glace et en carbone. Florent Dominé, sur cette variété géologique, alors on fera le distinguo entre le nord-ouest et le nord-est, mais il y a vraiment par exemple une différence de nature entre ces deux types de pergélisol, une différence profonde, structurelle, ou est-ce que finalement ça varie à quelques centaines de kilomètres près, que ce soit dans le nord-ouest ou dans le nord-est? Bah, disons que bon, d'un point de vue classification du pergélisol et des processus d'accumulation de carbone, on distingue souvent aussi les pergélisols syngénétiques et les pergélisols épigénétiques, c'est-à-dire il y a eu des pergélisols qui ont gelé en bloc, suite par exemple au retrait des calottes glaciaires, etc. Ou bien il y a des pergélisols où il y a une accumulation progressive, et c'est cette accumulation progressive qui s'est gelée au fur et à mesure de son accumulation. Et dans ce dernier cas, par exemple, on peut avoir des grosses accumulations de carbone, parce que à chaque fois qu'on accumulait un petit peu de débris végétaux, etc., il gelait, etc. Donc en fait, il y a une très grande variété de modes d'accumulation d'application. Il y a une très grande variété de types de roches. La porosité aussi la taille des grains a une grosse importance sur l'accumulation de glace. On a par exemple, quand on a des sables très grossiers, on peut pas avoir accumulation de glace dedans, alors que dans des sables très fins ou dans des argiles, des limons, etc., on peut avoir une forte accumulation de glace. Donc on a toute cette variété minéralogique qui va influencer l'accumulation de glace, et ensuite on a le processus de formation qui va aussi influencer la teneur en carbone. Denis Sergent. Juste une question. Tout à l'heure, vous disiez qu'on avait du mal à forer. Mais comment se fait-il qu'on ait du mal à forer alors que les pétroliers creusent allègrement, notamment dans des endroits où il n'y avait personne auparavant? Enfin, C'est plus difficile parce qu'en fait, le pergélisol est vraiment très dur. Donc, c'est possible de forer, puisqu'on a foré jusqu'à 1500 mètres en Sibérie, où on a mesuré le pergélisol le plus profond, et mon ver Kroyansk, mais c'est beaucoup plus dur. Puisqu'on parle de profondeur, peut-être Antoine Séjourné, Florent Dominé, la profondeur du pergélisol aussi est très variable. Est-ce que vous venez de le dire, 1500 mètres c'est le plus profond qu'on ait trouvé, ça veut dire qu'on peut aller de plus en plus profond, pourtant on sait que plus on creuse le manteau terrestre, normalement plus ça se réchauffe. Comment ça se passe Antoine Séjourné? Oui, à un moment donné en fait la température du sol augmente à cause du flux géothermique, donc à un moment donné le pergélisol, sa température va augmenter et donc va arriver à 0 degré, donc ce qui fait qu'on n'a plus de pergélisol, tout simplement. Mais donc c'est 1500 mètres de profondeur à l'heure actuelle, le pergélisol, oui. On suppose que ça peut descendre encore un peu ou on ne sait pas? Alors c'est difficile parce que finalement ça tombe principalement des températures en surface, donc il faut que l'onde de gel se propage, donc c'est quand même difficile, ou alors à moins d'accumuler des sédiments qui vont petit à petit subsider et donc aller en profondeur, à ce moment-là on va augmenter cette profondeur. Florent Dominé, sur cette question de la profondeur du pergélisol? Mais en fait, il y a beaucoup de profondeurs qu'on établit par de la modélisation, parce qu'on va pas faire des forages comme ça pour rien que pour établir la profondeur. Et puis, on peut pas non plus comparer les moyens logistiques des pétroliers avec les moyens logistiques des recherches scientifiques. Les pétroliers, ils vont pouvoir déployer des moyens considérables parce qu'ils espèrent un retour sur investissement énorme, alors que nous autres scientifiques, on n'a pas les mêmes moyens. Donc nous, par exemple, on fait des forages jusqu'à 3 mètres. C'est typiquement la zone où la plupart du carbone s'est accumulé. La plupart, mais pas toutes. Hein. Il y a des zones où il y a du carbone jusqu'à bien plus profond que ça. Mais des forages de 3 mètres, ça peut se faire facilement avec une foreuse à main, une équipe de 3 personnes, etc. Et du coup, à cause de la simplicité logistique, c'est à ce genre de technique qu'on a en grande partie recours. Et d'ailleurs, les stocks d'évaluation du carbone du pergélisol sont faits essentiellement par des mesures qui ont lieu jusqu'à des profondeurs de 3 mètres. Donc ça veut dire que potentiellement, il y en a encore beaucoup plus à exploiter en dessous de cette zone des 3 mètres? Exactement. Mais alors maintenant, quand je vous disais que sur l'est du Canada, on n'avait que quelques forages, vous imaginez, si on voulait faire encore plus de forages jusqu'à des profondeurs plus grandes, au niveau logistique et au niveau source de financement, on est à droit dans le mur, quoi, à l'heure actuelle. On veut parler, pour continuer à le définir encore quelques instants, du type de répartition géologique. Le pergélisol n'est pas que continu, ça n'est pas qu'un vaste espace où le sous-sol est congelé. Il y a différents types de répartition géologique. Antoine Séjourné. Oui, finalement, comme le pergélisol dépend principalement de la latitude, donc du climat, plus vous allez vers l'altitude les plus vers le sud, plus vous avez une pergélisol qui est discontinue, sous forme de poche, qui d'ailleurs est en train de disparaître à cause du réchauffement. Oui, c'est bien plutôt ce pergélisol-là, Florent Dominé, qui commence à inquiéter. C'est-à-dire qu'autant quand on est très au nord, le pergélisol est continu, il est robuste, il est très dur et il est bien ancré dans le sol, plus ou moins. On va évidemment nuancer ce propos-là. C'est Antoine Séjourné qui donne ligne de la tête. Mais c'est le pergélisol qu'on dit en tache ou sporadique dans des latitudes plus australes qui aujourd'hui est en train de fondre le premier et donc commence à susciter de l'inquiétude. C'est pas aussi simple. Alors, d'abord, effectivement, il y a des zones de pergélisol discontinues. Moi, je sais que j'habite à Fairbanks, en Alaska. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est un paysage de collines. On voit sur les versants nord, il y a du pergélisol. Dans les fonds de vallée où l'air froid s'accumule en hiver, il y a du pergélisol. Mais sur les flancs sud des collines, il n'y a pas de pergélisol. Donc ça vous donne une idée de la discontinuité qu'on peut avoir. Et ensuite, si le pergélisol discontinue, c'est effectivement le premier à disparaître, il faut voir que dans le nord, ce qui se passe, c'est qu'on a une augmentation de l'épaisseur de ce qu'on appelle la couche active. mm-hmm. on peut avoir, ou Molisol. Le on Molisol, peut avoir, oui. effectivement. Alors, il faut que on vous définissiez avoir, ce que c'est d'abord. Là, avant de nous expliquer ça, expliquez-nous ce que c'est que ce Molisol, c'est important. c'est ce que j'allais faire. Okay. Donc, en fait, dans des zones où il y a du pergélisol, effectivement, l'été, la température s'élève à 5, 10, 15 degrés, et du coup, la couche, il y a une couche de surface qui fond. Donc, cette couche, enfin, qui fond, c'est pas le bon terme, on dit qui dégèle plutôt, parce que la terre, ça fond pas, ça dégèle. Le pergélisol dégèle, ne fond pas. La glace du pergélisol fond, mais le pergélisol dégèle. Donc, faut faire attention à la terminologie. Donc, ce pergélisol dégèle sur une profondeur qui va de 10 cm au grand nord vers 80, au-dessus de 80 degrés nord jusqu'à plusieurs mètres. Et du coup, c'est ça qu'on appelle la couche active. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'épaisseur de la couche active mène même au nord, augmente. Et du coup, mettons que si ça passe de 50 cm à 1 mètre, ça fait tout le carbone qui est accumulé dans ce premier mètre devient accessible à ce qu'on appelle la minéralisation bactérienne, c'est-à-dire que les bactéries vont pouvoir manger et métaboliser ce pergélisol et le rejeter dans l'atmosphère sous forme de CO2 ou de méthane. Donc en fait, le problème du pergélisol ne se limite pas au pergélisol discontinu. Il touche tout l'ensemble du pergélisol, soit parce qu'il disparaît, soit parce que la couche active augmente d'épaisseur. Antoine Séjourné, vous confirmez Tout à fait, exactement. Cette analyse de... Mais oui, ça dégèle en surface, donc vous avez, suivant les variations du climat ou l'effet anthropique, l'homme est aussi un facteur important pour la fonte du pergélisol en surface, vous mettez à nu la glace et donc le carbone. Alors on vient de l'entendre, hein, le pergélisol est un système vaste et complexe, très hétérogène, qui évolue de façon distincte en fonction de sa nature et de sa localisation, de sa latitude. Comment étudier ce pergélisol et son évolution, c'est ce que nous allons voir avec vous. Céline Lozen, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé rencontrer des chercheurs du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement au CEA. Oui, spécialement Christophe Grenier qui a participé à une expérience internationale en Yakoutie. La Yakoutie, c'est une région dans l'est de la Sibérie et l'objectif pour lui et son équipe, c'était d'étudier la partie active du pergélisol et de comprendre quels sont les divers facteurs qui influent sur le dégel entre l'hiver et l'été. Alors après une étude de terrain qui a été réalisée sur plusieurs mois, il faut maintenant arriver à simuler le phénomène en laboratoire pour donner des projections fiables sur l'évolution du pergélisol. Le pergélisol, de l'extérieur, c'est absolument invisible. Donc il faut aller sur place avec des moyens pour caractériser ce qu'on peut. Dans la région de Yakoutsk, là où nous avons des collaborations avec le Melnikov Permafrost Institute, le pergélisol fait une épaisseur d'à peu près 400 mètres en moyenne. Et donc on est sur une région particulièrement intéressante pour nos activités. Et quand on arrive en été, on est face à une végétation développée et il faut faire un forage ou creuser pour trouver le pergélisol. Alors dans notre région, la région d'étude, à 1 mètre à 2 mètres de profondeur, et là on tape une partie dure qui est le pergélisol. Et donc on est dans une région où on a une augmentation de température depuis les années 80. Alors juste sous les yeux, on a un graphe en fait qui représente les variations en température sur une échelle d'un siècle quasiment, plus d'un siècle. Puisqu'on a tout un ensemble de mesures de la température de l'air qui nous permet, en tout cas en première approche, de regarder le phénomène atmosphérique. Et donc on constate qu'on a, depuis les années 80, deux plateaux qui sont apparus. C'est-à-dire que l'augmentation de température a eu lieu dans les 30 dernières années, pour l'essentiel. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est à la fois d'être sur site pour observer cela, mais évidemment, puisqu'on parle du pergélisol, c'est de voir comment ce réchauffement se propage en profondeur. Et comment, par exemple, la couche qui dégèle en été est modifiée, et comment les températures du pergélisol sont modifiées. Et donc l'intérêt pour nous d'aller dans cette région, c'est de regarder quelque chose d'un peu complexe. Puisqu'en fait, la transmission de température au sous-sol fait à la fois intervenir la température de l'air, c'est vrai, mais aussi d'autres facteurs météorologiques. Et il se trouve que la région est dans une évolution dans laquelle les régimes de pluie sont un petit peu modifiés, et les températures également. Et la combinaison, en tout cas c'est ce qu'on comprend progressivement, la combinaison d'une augmentation de température, mais surtout les températures en hiver, et un petit peu plus de pluviométrie en fin de période chaude amène en fait un état du sol qui limite la propagation de l'onde de froid en hiver. Donc on a deux effets cumulés qui transmettent le réchauffement au sous-sol. De manière très concrète, quel type d'installation, de mesure? Est-ce que vous mettez des capteurs en profondeur? Est-ce que vous faites des forages? Comment vous recueillez les données pour faire ces mesures? Donc on a démarré un site en 2012 qui est situé pas très loin de Yakoutsk, donc on est en Yakoutie centrale, dans la partie est de la Sibérie, et on a en fait mené deux instrumentations en parallèle. Pour celle sur laquelle je suis le plus impliqué, qui est l'instrumentation d'une rivière, Donc on veut regarder comment la présence d'une rivière modifie le pergélisol, donc a une empreinte thermique qui est tout à fait remarquable dans ces régions, dans le sens où ces régions, je fais la petite parenthèse, donc ont du sol gelé, c'est-à-dire quand on effectue un forage dans une région comme ça, où on fait simplement un trou, au lieu de trouver un puits avec de l'eau, on trouve en fait une couche gelée, donc on a présence d'eau. D'où l'intérêt d'instrumenter les rivières. Maintenant, l'instrumentation. Ça consiste d'abord à faire un suivi thermique. Donc évidemment des variables atmosphériques, de l'air, température de l'air, pression, etc. Mais aussi d'effectuer des forages pour installer du monitoring permanent de température. Donc on s'est en particulier intéressé à une petite rivière proche de Yakoutsk. Le village s'appelle Sirdar. Et on a essayé d'instrumenter un transect par rapport à la rivière, donc une section orthogonale à la rivière, pour étudier l'impact de la rivière. Et donc on a un réseau de monitoring qui, dans ce qu'on a instrumenté, sont 1 mètre de profondeur, 2 mètres, 3 mètres et 4 mètres. L'objectif, c'est à différentes distances de la rivière d'avoir une information sur l'état thermique et l'évolution thermique du sol à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. On mesure aussi la température du sol près de la surface pour voir les effets de surface. On la complète aussi par des mesures hydrologiques, donc à la fois des mesures d'isotopie de l'eau pour mieux comprendre le devenir de la rivière. On a aussi fait des forages pour pouvoir caractériser la nappe. Donc dans un milieu froid, la nappe au-dessus du pergélisol est très peu développée. Elle se développe quand même et elle a un rôle sur les échanges thermiques. Donc on a sous les yeux une coupe à travers l'ensemble de la vallée où on reconnaît la rivière au milieu qui fait à peu près 6 mètres de largeur sur un peu plus de 50 cm de profondeur. Et on a représenté l'instrumentation en thermique, donc c'est ces grands forages de part et d'autre de la rivière à différentes distances. Et on a fait d'autres forages qui permettent de mesurer la profondeur de la couche active, c'est-à-dire la zone qui dégèle en été, mais aussi ce qui est représenté ici, c'est le niveau de la nappe. Alors on a la rivière, mais à l'intérieur, sur les côtés, là, une rivière est reliée au reste du massif et on reconnaît ici la continuité hydrologique avec donc une circulation souterraine. Là, on est à peu près à 1 mètre de profondeur sur les côtés. Donc ça, c'est une instrumentation de type hydrologique et on a aussi des mesures d'humidité du sol qui jouent un rôle important dans ce système. Alors cette installation a commencé en 2012, donc on a actuellement 6 à 7 ans de recul, ce qui est absolument insuffisant pour tirer des statistiques d'évolution. Donc il faut absolument avoir plus de 100 ans. En tout cas là, sur des courbes qui ont 100 ans, on est capable de tracer des évolutions qui ont un sens statistique. Déjà la période de 30 ans sur laquelle on a une évolution et une période sur laquelle c'est plus difficile. Donc avant de tirer des résultats statistiquement viables, voilà, il faut attendre un peu. Voilà le reportage du jour avec Christophe Grenier au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement au CEA. Je vais vous demander une réaction à tous les deux, mais commencez par vous, Antoine Séjourné, puisque vous connaissez Christophe Grenier, vous travaillez avec lui. Tout à fait. Donc en fait, c'est une savoir que on travaille en équipe, d'accord. Nous ne sommes jamais seuls, scientifiques sur place. On a tous des compétences différentes, on arrive à se compléter pour pouvoir mieux comprendre un système. Donc par exemple Christophe qui est physicien, qui s'intéresse donc à l'évolution climatique, au modèle, et François Cotard, mon collègue, et moi-même, nous étudions la fonte du pergélisol. Donc nous sommes géologues, géomorphologues. Et donc ça nous permet finalement, en croisant nos approches à un site même de terrain, d'étudier une rivière, d'étudier la formation d'un lac dû à la fonte de la glace du pergélisol, et d'étudier également un glissement de terrain. Donc nous avons comme ça trois objets différents sur un même site. Et ça va nous permettre de mieux comprendre finalement l'évolution de la fonte du pergélisol en fonction des variations climatiques, mais également de l'effet de l'homme. Et on entend aussi, hein, Florent Dominé, dans ce reportage, la complexité que vous évoquiez tout à l'heure de la modélisation et la complexité aussi de l'absence de recul et parfois, comme vous l'avez noté pour le Canada, de l'absence de carottes, de prélèvements sur place pour avoir une compréhension globale des systèmes qui sont en cours. Oui, alors je voudrais quand même, bon, puisque pour réagir au reportage sur Christophe Grenier, là, lui, il a beaucoup quand même parlé de régime hydrologique, de nappes, etc. Et ça, c'est un excellent sujet, c'est une excellente préoccupation, parce que le pergélisol, ce qu'il caractérise, c'est un régime hydrologique particulier. Comme c'est gelé en profondeur, toute l'eau s'écoule en surface. Et il n'y a pas d'eau vraiment qui circule en profondeur. Alors, avec l'évolution du pergélisol, son dégel, etc., ça va modifier considérablement le régime hydrologique de la région. Et en particulier, les ressources en eau. Et ça me fait penser à un programme dans un village inuit de la côte de la baie d'Hudson, là, qui s'appelle Umiak. Et là, il y a un gros problème, c'est à cause du dégel du pergélisol, le régime hydrologique est perturbé et la ressource en eau du village est complètement menacée. Et il y a beaucoup d'études pour essayer de comprendre l'évolution du régime hydrologique. Donc ça, c'est un problème non seulement hydrogéologique, mais c'est aussi un problème humain, parce que les habitants là-bas ont besoin de ressources en eau. Et l'autre, bien sûr, allez-y, continuez. Oui, et l'autre point qui est important, c'est puisqu'on parle de pergélisol et de carbone, donc ça, pour comprendre un peu l'impact climatique du pergélisol, il y a deux aspects qu'il faut étudier, c'est l'évolution du régime thermique, donc ce dont vient nous parler de manière excellente Christophe Grenier, et puis ensuite, une fois que on connaît l'évolution du régime thermique, et si on connaît aussi la teneur en carbone du pergélisol, on peut espérer comprendre un peu les futures émissions de carbone. Mais ça nécessite bien deux aspects, le régime thermique et ensuite le devenir du carbone. Et compléter les modèles. Et on va reparler évidemment des conséquences que ça peut avoir pour les habitants, pour les infrastructures, parce qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique qui pose problème, c'est la modification de tout un substrat, de tout un écosystème dans lequel fait partie, auquel appartient l'être humain. On va en reparler dans un instant. La méthode scientifique, Nicolas Martin. She goes from glass to ice, shuts down what she feels until it all becomes absurd, until she can't tell what's real till everything is unheard. But then she cries out loud, love does not exist. But how can it sprout in a heart closed like a fist that chokes whatever hope's inside? She rolls her life like a dice that never ever lands. It spins and spins, the numbers fade. She doesn't want to understand, sees only her somber way. But then she cries out loud, love does not exist. But how can it sprout in a heart closed like a fist that chokes whatever hope's inside? Tricks till she can't think. She tricks until From Glass to Ice de Mathieu Saïkali, puisque nous parlons du pergélisol tout au long de 7h à 16h35 sur France Culture. Nous en parlons en compagnie d'Antoine Séjourné, qui est géomorphologue, maître de conférence au laboratoire géosciences à l'université Paris Sud. Nous en parlons en duplex depuis les studios de France Bleu Isère avec Florent Dominé, chercheur au laboratoire franco-canadien Takouvik, unité mixte internationale entre l'université Laval au Québec, et le CNRS, et de Denis Sergent du journal La Croix, qui consacre aujourd'hui un dossier spécial sur le méthane, l'oublié du climat. Justement, parlons-en du méthane, du dioxyde de carbone. On parle des cycles du carbone. Vous avez expliqué un peu les uns les autres ce qui se passait, ce qui se produisait lors du dégel et du regel de ce pergélisol. Mais aujourd'hui, Florent Dominé, on sait que le méthane est quelque chose qui inquiète particulièrement parce que c'est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le dioxyde de carbone et que le pergélisol et l'activité bactérienne du pergélisol, entre autres, est en train de créer un cycle du métal beaucoup plus rapide que celui qui a été le cas tant que ce réchauffement climatique n'était pas encore en cours. Oui, alors effectivement, le méthane a un effet de serre 30 fois supérieur à celui du CO2. Ceci dit, il faut quand même pas oublier que le CO2, c'est quand même le principal gaz à effet de serre, parce que il y en a quand même beaucoup plus, il y a à peu près 200 fois, il y a 200 fois plus de CO2 que de méthane dans l'atmosphère. Donc ça reste quand même le principal gaz à effet de serre. Bon, avec le dégel du pergélisol, ce qui se passe, c'est que dans les régions sèches, c'est-à-dire qui sont pas saturées en eau, où on a présence d'oxygène, les bactéries vont pouvoir manger ce carbone et le transformer en CO2. Et dans ces régions, dans les zones humides, dans les sols humides, par exemple les tourbières, etc., tous les sols saturés en eau, à ce moment-là, il y a un problème d'accessibilité de l'oxygène. On a une fermentation du carbone qui va être dite anaérobie, et là, on va émettre du méthane. Donc effectivement, il y a de plus en plus de zones humides, il y a le pergélisol qui dégèle, il y a des mares, ce qu'on appelle des mares de thermokarst qui apparaissent, et effectivement, là, il y a beaucoup de fermentation et d'émissions de méthane depuis ces zones. Antoine, ces journées, ces émissions de méthane ou ces mares de thermokarst, comment ça marche? Quel est le cycle exactement de ce type de dégazage? Alors c'est vraiment un sujet d'actualité, de recherche. On a du mal un petit peu à comprendre. C'est pour ça qu'on a besoin de différents sites au sein de l'Arctique pour comprendre un peu mieux ces choses. Parce que finalement, au sein, comme disait Florent, c'est lac thermokarstique. Vous pouvez avoir donc libération tout simplement de gaz, donc de méthane. Soit d'origine naturelle, soit lié aux bactéries. Mais ce gaz peut aussi être repris au sein de la matière organique par des plantes qui vont se développer et donc qui vont pouvoir piéger. Le carbone peut aussi être sous forme dissoute dans l'eau ou particulière et à ce moment-là se retrouver emporté des lacs vers les rivières, ultimement peut-être vers les grands fleuves et l'océan. Mais en tout cas, ça peut retrouver piégé dans des zones intermédiaires. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité et on a du mal un petit peu à comprendre tout ça. Il y a un autre phénomène qui a intrigué pendant longtemps. Aujourd'hui, on le maîtrise un peu mieux, mais qui a contribué justement à du dégazage de méthane assez important dans l'atmosphère. C'est l'apparition d'immenses cratères, notamment dans la péninsule de Yamal en Sibérie. Écoutez. C'est un événement assez exceptionnel qui a eu lieu ces derniers jours en Russie avec des trous béants qui se sont créés à même le sol au nord de la Sibérie. Alors ces trous béants ont été jusqu'à 30 mètres de profondeur et des diamètres qui sont allés jusqu'à 15 mètres de large. Alors on ne savait pas exactement à quoi cela était dû. Eh bien ces derniers jours, les scientifiques ont répondu, c'est le réchauffement climatique qui est en cause. Alors effectivement, nous sommes dans une région où il y a un pergélisol, c'est-à-dire un sol gelé toute l'année, qui joue un rôle de couverture pour ce qui est contenu en dessous, c'est-à-dire des gaz à effet de serre comme le CO2 ou encore le méthane. Les gaz qui sont émis sont très importants puisque, comme je l'ai dit, ce sont des gaz à effet de serre. Effectivement, ils vont venir amplifier le réchauffement climatique, réchauffement climatique qui lui-même viendra amplifier la fonte du pergélisol, vous l'aurez compris, c'est une réaction en chaîne qui pourrait donc être vraiment dangereuse pour le climat. Néanmoins, les spécialistes sont assez rassurants puisqu'ils émettent l'idée que ces gaz à effet de serre contenus dans le sol ne pourraient vraiment dégazer qu'à hauteur de 50%. La hausse donc du thermomètre serait contenue. Alors voilà, la hausse du thermomètre contenue, on était en août 2014, aujourd'hui c'est un peu moins sûr Antoine Séjourné, néanmoins ces cratères de Yamal aujourd'hui, vous me disiez, ce sont des phénomènes qui sont très circonscrits géographiquement, donc dont on ne risque pas de voir l'apparition dans d'autres zones géographiques. Alors c'est vrai que ça a beaucoup suscité finalement d'inquiétude. On se demandait finalement à quoi c'était dû, peut-être des ovnis, un pack de météorites. On a entendu beaucoup de choses, alors que, mais c'était très impressionnant. C'était l'apparition parfois dans une nuit avec des grosses détonations. Alors, c'est vrai qu'il y a eu les côtés des donations, des gens ont entendu ça. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la péninsule de Yamal est très particulière. Dans cette région-là, vous avez des gisements de gaz. Gazprom exploite ces gaz. Donc, vous avez des poches de gaz qui sont naturellement présentes dans le PRJSOL. Donc, pas sous forme gelée. Gazprom, qui est la compagnie de gaz national russe. Voilà. Pas sous forme de clatrate, mais sous forme gazeuse. Et donc, ce que l'on pense, alors les chercheurs russes qui étudient cette question-là, on continue toujours à étudier, à faire une cartographie, savoir où est-ce qu'ils sont exactement. Je pense que ce sont des poches de gaz qui naturellement vont se rassembler suite à peut-être à un réchauffement dans le PRJSOL ou à des fractures. Et lorsque vous avez formé une bulle de gaz qui du coup va être moins dense que le sol, va remonter et va faire finalement gonfler le sol. Donc à manière de bulle de gaz de champagne qui remonte, on va former une colline. On le voit d'ailleurs sur certaines images satellites, une colline qui apparaît. Et quelques jours après, un trou béant. On voit qu'il y a des matériaux qui ont été expulsés. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas eu de feu. Donc c'est pas vraiment le méthane qui a explosé, c'est simplement comme un bouchon de champagne qui va sauter et qu'on va pouvoir libérer le gaz. Florent Dominé, ces phénomènes-là, on n'en constate absolument pas du tout dans le grand nord-ouest canadien. Ouais, non, moi j'en ai jamais entendu parler, mais il faut voir que ces phénomènes-là sont extrêmement spectaculaires, mais comme le disait Antoine Séjourné, ils sont quand même relativement anecdotiques. Et en fait, le pergélisol, en général, ne contient pas directement vraiment beaucoup de gaz. Le pergélisol émet des gaz par transformation de la matière organique qu'il contient, mais il ne faut pas croire que le pergélisol, c'est plein de gaz, et que quand le pergélisol dégaze, c'est les gaz qui partent. Non, ce n'est pas ça. Quand le pergélisol dégèle, le carbone est métabolisable par les bactéries qui vont le transformer en gaz à effet de serre. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. On entendait néanmoins dans ce reportage quelque chose d'important autour du réchauffement climatique et que l'on lit beaucoup quand on s'intéresse à la littérature scientifique sur le pergélisol, c'est la notion de réaction en chaîne. On a l'impression effectivement qu'on est dans une sorte de cycle infernal de réchauffement qui produit de plus en plus de gaz, qui produit de plus en plus de réchauffement. Et surtout, ce qu'il faut peut-être préciser, Florent Dominé, c'est que le réchauffement climatique est plus sensible au nord, dans le nord de l'hémisphère nord ou dans le sud de l'hémisphère sud, que l'équateur. Oui, le réchauffement est plus important dans les zones polaires parce que, en fait, la fonte des neiges transforme des surfaces qui réfléchissent la lumière en surfaces qui vont absorber la lumière à la place. Donc ça augmente le réchauffement. C'est pour ça, c'est à cause de la présence de la neige, en fait. Ça, c'est pour la diminution de l'albédo, hein, de la réflexion du soleil par la neige, mais également sur cette notion de réaction en chaîne ou de cycle infernal du réchauffement dans ces zones de pergélisol. Oui, alors là, on parle de rétroaction, les réactions en chaîne, comme ça, on parle de rétroaction positive. C'est-à-dire, par exemple, la neige qui fond augmente la chaleur du sol qui favorise encore la fonte de la neige, et ça, on a une rétroaction positive. En fait, ce qui se passe, c'est que, et là où il y a quand même moyen d'être inquiet, contrairement à ce que disait le reportage précédent, c'est que quand on étudie les processus, la plupart des processus qu'on observe sont des rétroactions positives. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, à cause du réchauffement climatique, la végétation croît. Il y a de la toundra herbacée qui est remplacée par de la toundra arbustive. Donc ces buissons, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont piéger la neige qui est soufflée par le vent en hiver, parce qu'il y a toujours beaucoup de vent dans l'Arctique. Ils vont donc accumuler l'épaisseur de neige, ça va isoler le sol du froid hivernal et le sol ne va pas se réchauffer, ne va pas se refroidir en hiver, donc en fait sa température moyenne va augmenter. Donc le réchauffement induit la croissance de la végétation qui va induire une isolation thermique plus forte du sol qui va se réchauffer encore plus. Et on a encore une rétroaction positive, réaction en chaîne comme vous dites, cercle vicieux comme disent d'autres, etc. Et il y a infiniment de processus comme ça. Parlez-nous un peu, Florent Dominé, de ce projet que j'évoquais au tout début, le projet que vous avez initié en 2015, APT, pour Acceleration of Permafrost Thaw by Snow Vegetation Interaction. De quoi s'agit-il et comment est-ce qu'il peut permettre précisément de mieux comprendre ces boucles de rétroaction positive et puis surtout l'évolution des pergélisols à courte, moyenne et longue échéance? Donc on s'est intéressé à deux aspects. Le premier aspect, c'est les rétroactions qui vont accélérer le dégel du pergélisol. Donc on s'est intéressé d'abord à l'aspect thermique. Et en particulier, je vais vous donner un premier exemple, c'est, donc ça a trait un peu à cette interaction entre la croissance de cette végétation et les propriétés de la neige, parce qu'on s'est rendu compte que la croissance de la végétation non seulement augmentait l'épaisseur de neige, mais changeait la qualité de la neige. Bon, pour les spécialistes, ça transformait des croûtes de vent en gifles de profondeur qui est extrêmement isolant. Donc en fait, ça pouvait multiplier par 3 ou 4 le pouvoir isolant de la neige. Et donc, dans les zones, on a vu que dans les zones où il y avait de la végétation qui croissait, tout d'un coup, le pergélisol, en quelques années, pouvait disparaître alors qu'il était là depuis des milliers d'années. Mmh. Donc ça, c'est l'aspect régime thermique. L'autre aspect, c'est quel est le devenir du carbone une fois dégelé. Est-ce qu'il va se transformer en CO2? Est-ce qu'il va se transformer en méthane? Comment ça va être couplé avec l'évolution géomorphologique, c'est-à-dire la formation de mares de thermokarst? Est-ce qu'elle va favoriser l'émission de CO2 plutôt que de CH4, etc.? Et puis, un dernier processus dont on n'a pas encore parlé au cours de cette émission, c'est un aspect possible de compensation de cet effet d'émission de carbone, parce que la croissance de la végétation, en fait, ça stocke du carbone. Bien sûr. Végétation, c'est du carbone, ça stocke du carbone. Il va y avoir aussi plus de litière qui va être produite. Donc, en fait, ça va être ce qu'on appelle un puits de carbone. Et la question à laquelle on essaye de répondre, c'est est-ce que ce puits de carbone va compenser en partie les émissions de carbone dues au réchauffement du pergélisol? Antoine Séjourné, c'est effectivement une question importante qui pourrait compenser une partie de l'émission et du dégazage de carbone dans l'atmosphère. Aujourd'hui, que disent, que prévoient? Est-ce qu'il y a des modèles qui sont suffisamment poussés, pointus, pour prévoir précisément ce jeu d'interaction entre la rétroaction positive et le dégazage, et de l'autre côté, la constitution d'un plus grand socle végétal et donc d'une forme d'absorption de ce CO2 émis? Alors c'est vraiment le grand enjeu de la recherche actuelle, des études. C'est finalement d'arriver à passer de sites d'études où on va mesurer les émissions donc de carbone, savoir si c'est du méthane, comme disait Florent Dominé, ou de CO2, ou de piégeage, le développement des plantes, donc à des sites très particuliers, des distances de plusieurs milliers de kilomètres, à quelque chose où on a un modèle à mésoscale, donc à une centaine de kilomètres, et intégrer ces modèles-là à un modèle global. Ça, c'est vraiment la grande question et ça sera les enjeux du futur. Sur l'évolution à moyen terme, le GIEC a produit deux types de scénarios. Un scénario optimiste où un tiers du pergélisol diminue à l'horizon 2100, et un scénario pessimiste où c'est 81% qui disparaît. C'est une vaste fourchette. Laquelle faut-il croire, Florent Dominé? Laquelle vous semble la plus vraisemblable? Ben, en fait, quand on regarde un peu l'évolution des prévisions climatiques, hein, on s'aperçoit quand même que le climat a évolué de la manière la pire possible. Regardez aussi, par exemple, un autre indicateur climatique, c'est l'évolution de la banquise arctique. Mmh. La banquise arctique décroît à une manière incroyable, beaucoup plus vite que les modèles les plus pessimistes. Je vous renvoie nos auditeurs, on a consacré une émission précisément à la banquise il y a quelques semaines de cela. On va vous remettre le lien vers cette émission sur le fil Twitter de l'émission, et je vous rends la parole, Florent Dominé. Oui, donc pourquoi? Parce que il y a un grand nombre de rétroactions qui n'ont pas été découvertes, et en fait ce qui se passe malheureusement, c'est que la plupart de ces rétroactions sont positives. Donc moi j'aurais tendance à dire que c'est malheureusement sans doute les prévisions les plus pessimistes qui vont prévaloir. Ceci dit, pour renforcer les incertitudes, il y a d'abord l'incertitude thermique, mais ensuite il y a l'incertitude du devenir du carbone. Par exemple, ce carbone-là, le carbone du pergélisol, qu'est-ce qu'il va devenir? Parce qu'on ne sait pas quelle est la proportion qui va être mangée par les bactéries et la proportion qui ne va pas être mangée par les bactéries. C'est comme vous, la nourriture, il y en a que vous allez aimer, il y en a d'autres que vous n'allez pas aimer, vous n'allez pas y toucher. Les bactéries, c'est pareil, il y a des tas de molécules de carbone qu'elles ne vont pas toucher. Donc, selon les zones où on est, on ne sait pas quelle est la proportion de carbone qui vont pouvoir être effectivement transformés en gaz à effet de serre. Donc il faut rajouter encore une incertitude au moins d'un facteur 2 ou 3 sur cet aspect. Donc en fait, quel est le devenir du pergélisol et du carbone qu'il contient? Aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas capable de faire des projections fiables et précises là-dessus. Antoine Séjourné, sur cette vaste fourchette, vous êtes aussi pessimiste que Florent Dominé? Alors, c'est vrai que c'est une question qui est vraiment très difficile parce que finalement, ça peut dépendre, comme disait Florent Dominé, de plusieurs facteurs. Ce qu'on est sûr, c'est qu'on a plusieurs indicateurs qui indiquent qu'on a réchauffement en Arctique. On a le pergélisol qui fond, on va avoir une augmentation des températures, en plus des températures de l'air. On a une augmentation de la température des fleuves, des grands fleuves arctiques, également du débit, donc on voit que ça fond. On voit qu'on a aussi, donc, grâce aux images satellites et des études sur le terrain, on voit qu'on a beaucoup de formation de lacs dues à la fonte de la glace. Donc c'est vrai que bah, ça pose la question. Alors juste un petit peu pour nuancer les choses, je voulais juste rappeler que lors de la dernière période glaciaire, donc il y a 10 000 ans, on a eu une période de réchauffement climatique, à peu près il y a 8 000 ans. Et c'est là où on a aussi fondu partiellement le pergélisol. On trouve des lacs qui sont formés il y a 8 000 ans, qu'on trouve toujours actuellement. Donc ce qui montre aussi, c'est que le pergélisol a aussi une certaine inertie thermique. C'est quand même pas si facile que ça de le faire fondre, et notamment le faire disparaître. On l'a fait disparaître en France, d'accord, mais en Sibérie, on a toujours, il est toujours là. Donc c'est quelque chose qui est, en mérite beaucoup plus d'études finalement. Comment est-ce qu'on pourrait, puisqu'on voit bien que c'est le nœud gordien du problème aujourd'hui, comment pourrait-on, Florent Dominé, Antoine Séjourné, améliorer ces modèles prévisionnistes, ces modèles informatiques pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de l'évolution? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un problème de puissance de calcul? Est-ce que c'est un problème de capteur au sol? Est-ce que c'est un problème de prise en considération de l'enjeu écologique que représente le dégel du pergélisol, Florent Dominé? Ouais, disons qu'il y a beaucoup de défis, beaucoup de problèmes. Bon, moi, je travaille avec des modélisateurs et en fait, ce qui se passe, c'est que inévitablement, les modèles sont assez en retard, certains diront très en retard, je ne sais pas si on doit dire assez ou très, sur les observations. Par exemple, on a des modèles, des modules de végétation dans le pergélisol, mais les modules de végétation vont fonctionner par classe de végétation, et ces classes de végétation sont pas assez détaillées. Par exemple, les modèles actuels vont pas séparer les mousses des lichens, alors que par exemple, ils ont des propriétés thermiques fondamentalement différentes. Donc en fait, le problème, c'est que les modèles qu'on doit réaliser sont extrêmement complexes et que pour l'instant, il n'y a pas assez de gens qui travaillent sur la conception de ces modèles pour rentrer tous les processus qu'on observe. Et puis après, il y a aussi le problème de puissance de calcul, parce que plus on complexifie les modèles, plus ils sont longs à tourner. Et en fait, on arrive vite, quand on essaye de simuler le système planétaire dans sa globalité, on arrive vite à des limites. Et c'est là qu'on en vient à des obligations de simplifier, et du coup, d'omettre certains processus, quoi. Antoine Séjourné, il vous manque des biologistes sur le terrain pour aller classifier les plantes qui repoussent grâce au dégel du pergélisol notamment. Oui, c'est vrai comme il le disait, c'est un problème. Les modèles devront être de plus en plus complexes. C'est plus simple d'avoir un modèle qui est simplifié, qui permet de rendre compte finalement des paramètres. Et au fur et à mesure, les modélisateurs complexifient les choses en donnant de plus en plus de paramètres en entrée. Et alors il y a aussi une chose qui est pour l'instant difficilement, qui n'est pas intégrée dans les modèles, c'est les fontes brutales. C'est pas forcément une fonte qui est très lente avec une augmentation de cette couche en superficielle. C'est pas très progressif, c'est pas toujours des modèles progressifs, bien au contraire. On va avoir des fois, dû à des feux de forêt, la forêt qui va brûler, on va avoir forcément en quelques années formation de lacs, de grands glissements de terrain. Il y a un grand glissement de terrain qu'on appelle la porte de l'enfer qui est en Sibérie, qui est très connu, où on a un énorme affleurement de perches riches en glace. D'ailleurs, on étudie du coup les strates anciennes, donc finalement les variations climatiques. Mais là, on est très producteur de carbone. Et donc ça, bah, dans le futur, ça devrait être pris en compte. On peut parler, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission, d'autres effets qui ne sont pas si secondaires que ça d'ailleurs, de ce dégel du pergélisol, notamment même si la densité de population n'est pas très élevée, tous les effets que le gel de ce pergélisol peut avoir sur les infrastructures. Alors on parle évidemment des routes, des bâtiments, éventuellement des aéroports. Je crois savoir, Florent Dominé, qu'il y a aussi une centrale nucléaire qui est installée quelque part là-haut sur le pergélisol canadien. Ah, une centrale nucléaire sur le pergélisol canadien? Ah non, là, j'espère que non. Non, non, Par Billy exemple, Bino. Au Québec, il y a une centrale. Ah non, en Russie, pardon, excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. Excusez-moi. Mais sur les infrastructures, par ailleurs, Florent Dominé. Bah, sur les infrastructures, oui, c'est un gros problème. Par exemple, bon, je peux vous donner deux exemples. Au nord du Québec, là, qui donne sur la baie d'Ungava, il y a un village inuit qui s'appelle Saluit. Et le village est construit en zone côtière sur du pergélisol riche en glace. Et on est en train de parler de déménager le village sur un socle rocheux parce qu'avec le dégel du pergélisol, il pourrait complètement disparaître, s'effondrer et puis être englouti par les eaux. Donc ça, c'est un premier problème. C'est quand même assez grave. Et un deuxième exemple, c'est Iqaluit, qui est la plus grande ville ville de l'Arctique canadien qui est sur l'île de Baffin, c'est l'ex-Frobisher Bay, colonie anglaise. On vient de moderniser l'aéroport et ça a été un énorme problème d'étendre l'aéroport parce que dans les plaines, en général, c'est des sédiments fins qui sont riches en glace et qui menacent de dégeler. Et le cahier des charges prévoyait d'avoir une garantie de 25 ans et personne, aucune firme de génie civil ne pouvait garantir que le pergélisol n'allait pas dégeler pendant 25 ans parce que c'est des phénomènes qui ne peuvent pas contrôler la vitesse du réchauffement climatique. Donc construire des aéroports, donc des grandes pistes comme ça qui font 2 km, qui sont aptes à accueillir des vols internationaux dans ces zones-là, c'est vraiment un gros problème, un énorme problème logistique, quoi. Et du coup, Antoine Séjourné, c'est sur vous que ça tombe. La centrale nucléaire de Bilibino, c'est une crainte réelle, c'est vrai, c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Il faut s'en inquiéter? Alors, ou pas? Il faut savoir que cette centrale est construite sur des sédiments qui sont très riches en glace et en carbone. C'est sur un craton, donc c'est sur des roches très anciennes, type granitique. Donc il y a moins d'effets d'effondrement ou liés à l'effondrement donc qui va poser problème sur la structure de la centrale. Mais en tout cas, des transferts d'eau liés à la fonte peut-être peuvent endommager ou en tout cas l'infrastructure autour parce qu'évidemment il y a des gens qui vivent à côté, la centrale elle n'est pas au milieu de nulle part. C'est vrai, pour rejoindre ce que disait Florent Dominé, c'est vrai que les problèmes sur les infrastructures devaient venir importants dans ces pays-là. On estime, certaines études disent que ça va coûter plusieurs dizaines de milliards de dollars d'aménagement, de changement. Donc ça a un effet sur les routes. Au Canada, en Alaska, ils arrivent bien finalement à prendre prendre en compte ce pergélisol en construisant des routes surélevées où on a de la ventilation qui permet de minimiser la fonte du pergélisol à cause de la route. Dans plusieurs pays, notamment aussi en Sibérie, ils vont donc construire des bâtiments sur pilotis pour pouvoir laisser passer l'air l'hiver pour refroidir le pergélisol et limiter l'été sa fonte. Mais les piliers sont en profondeur, donc ils vont notamment conduire la chaleur. Alors il y a une manière de faire, de limiter, c'est de mettre des cylindres dans le sol, qui avec un fluide caloporteur, qui vont finalement limiter l'apport de chaleur par le bâtiment. Mais finalement, c'est des choses qui sont, on fait ça après. Et pour conclure par vraiment le dernier aspect du scénario catastrophe, le pire dont on entend parler, c'est celui du ressurgissement de virus ou de bactéries enfouies depuis des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. On a vu par exemple des populations de rennes tuées par des retours d'anthrax en Sibérie. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce que c'est plutôt un scénario type catastrophe ou conspirationniste qui a quand même peu de chances de se produire selon vous, Antoine Séjourné? Je pense que c'est un scénario un peu hollywoodien, mais effectivement, on a découvert récemment des macrovirus. Des macrovirus, tout à fait, qui ont été réveillés. Alors, l'épisode de l'anthrax avec les éleveurs de rennes, justement, c'est une possibilité. On s'aperçoit qu'il y a des bactéries qui vivent dans la glace, donc soit qu'ils vont être dégelés et qu'ils vont être réveillés, soit qu'ils vivent aussi. Donc, potentiellement, évidemment, ça peut poser un problème. Après, je ne sais pas, je laisserai les biologistes ou les médecins décider de la gravité de la chose. Florent Dominé, en un mot. Moi, j'ai un peu la même position qu'Antoine Séjourné. Et puis, comme lui, je suis pas microbiologiste. Donc, moi, je laisse la parole aux biologistes pour élaborer sur ce genre de phénomène qui frappe beaucoup les imaginations parce que c'est très spectaculaire. Maintenant, est-ce que ça va être important? Peut-être pas. On vous renvoie vers une émission que nous avions consacrée aussi au virus et au macrovirus. Un mot pour conclure, Denis Sergent. À propos des rennes en Laponie norvégienne, il y a quelques années, il y a eu aussi une hécatombe, mais c'était essentiellement par, sans doute, des rejets genre radioactifs ou chimiques. Ce qui est un autre scénario tout aussi sympathique pour le futur. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci Florent Dominé, merci à nos camarades de France Bleu Isère à Grenoble pour le duplex. Merci Antoine Séjourné, merci Denis Sergent. Je vous renvoie à l'exemplaire du jour du journal La Croix avec ce dossier méthane, l'oublié du climat. Et puis surtout, je vous invite tous autant que vous êtes à venir nous rejoindre samedi pour le deuxième forum L'année vue par les savoirs dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Le thème de ce deuxième forum, c'est sexe et pouvoir, un thème qui sera décliné tout au long de la journée en philosophie, en histoire, en économie, en science, avec un grand dialogue de clôture qui sera animé par Olivier Gisbert avec le réalisateur Olivier Olivier Assayas. Pour ce qui nous concerne, c'est de 15h30 à 16h30 et nous parlerons de l'apparition du dimorphisme entre les femelles et les mâles humains en génétique, en paléontologie, en épigénétique. Bref, venez, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire obligatoirement sur le site de France Culture, sur maisondelaradio.fr ou sur franceculture.fr. Bref, on va vous mettre tout ça comme chaque jour sur notre fil Twitter @laméthodefc. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Céline Lozen, Sarah Igemans, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Elisabeth Miro à la réalisation, Élise Le à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture dans un instant, c'est le second épisode de la série documentaire de la semaine, L'espionnage sur écoute par Amaury Chardot et Julie Béressy. Dans un peu plus d'une heure après le journal de 18h, dans Du grain à moudre, Hervé Gardette demandera à ses invités si la Corse est devenue un territoire d'outre-mer comme les autres. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain nous parlerons bioéthique à l'occasion de la grande consultation nationale lancée par le gouvernement. Et vous verrez qu'il n'y sera pas uniquement question de PMA ou de GPA, mais de nombreux enjeux essentiels à la définition des périmètres de la recherche de demain. Ce sera à 16h demain, jusqu'à preuve du contraire.